Putain de merde. J'vois que j'pars en sucette pendant que ma drette dit que j'suis promis au succès. Mes proches croient en moi pendant que j'me demande en quoi croire. J'préfère fumer, partir en croisade à 6h du mat. J'vois se dédoubler la croix, vers t'en fumer un naad. Partir en croisière, moi j'rappe pas pour les gens. Nos sons tournent sur les blocs pour que nos sables puissent les prendre. Ça fait 4 ans que j'rappe, j'vais pas jouer les grands. La vie est faite de coupures et d'aléas. Le vice nous fait des coups de pute et des balayages. Comme beaucoup, j'ai connu des coups durs. Au final, ça m'a laissé dans un sale état. Pour toi, le pire, c'est taper, dégrader et donner dans les murs. Pour moi, c'est ma scolarité décalée et ma petite classe remplie de gros muches. Et ma petite classe remplie de gros muches. Le style est certifié, malade et sans certificat. Le style est approuvé, tricheur, ça m'a servi des cartes. Tu joues les gagnants, mais tu la perdras. On a le brelan pendant que toi t'as la perdasse. Le style est certifié, malade et sans certificat. Le style est approuvé, tricheur, t'as mal servi tes cartes. Tu joues les gagnants, mais tu la perdras. On a le brelan pendant que toi t'as la perdasse. Si j'ai pas d'école, j'aurai pas de diplôme. Je bois trop d'alcool et j'fume trop de cône. C'est derrière ça que je me cache. Hey, une bouteille et de la gousse, c'est mon parfum comme un lâche. C'est avec ça que je m'arrache. T'as vu mes cernes, t'as vu ma gueule, t'as vu ma race. Moi aussi j'ai une gueule de toxico. Pourquoi j'ai commencé à fumer si tôt? Au début c'était un délire de poteau. Puis j'ai vu mal que ça comblait les blêmes pro. Car à la base j'étais mal dans ma peau. Maintenant pour oublier j'ai la joie dans ma paume. J'arrive pas à écrire un texte si je suis clean. Et pour taper la dev je sniffe pas de ligne. Un gros pédo accompagné du 50. Et fais-le arrêter de fumer, ce sera quand? Le style est certifié, malade sans certificat. Le style est approuvé, bâtard, t'as mal servi tes cartes. Tu joues les gagnants mais tu la perdras. Nous on a le brelan pendant que toi t'as la perdasse. Le style est certifié, malade sans certificat. Le style est approuvé, bâtard, t'as mal servi tes cartes. Tu joues les gagnants mais tu la perdras. Nous on a le brelan pendant que toi t'as la perdasse. Pas stable comme une gargouille en haut de la cathédrale. Seulement si ça se barre en couille là tu peux taper drame. T'es un faux si t'as mal au cœur quand tu tapes dame. On est là en tant que rappeur à fumer un tas de pétards. Je te demande un truc et tu me dis que t'as des pistonnettes. Mais moi je te frappe au nid, je ne veux pas être pistonné. En dev de cela on kiffe les tours, on met la feta. On est des blédards, on nique le code alpha beta. Je ne manie pas l'épée, je ne suis pas un ferrailleur. Hiver comme été, on dit que notre rap on doit le faire ailleurs. J'aime quelqu'un, je donnerai pas mon ammonia. Je ne serai pas cet accro à la coque et l'ammoniaque. L'indique le jointé, l'autre dit que le jointu. Dites-leur c'est neige gars, et je nique les jointures. Je suis un enfant voulu, mes parents voulaient que je naisse. BXL pas Genève, j'ai une belle jeunesse. Le style est certifié, malade et sans certificat. Le style est approuvé, pédale, t'as mal servi des cartes. Tu joues les gagnants, mais tu la perdras. On a le brelan pendant que t'as la perdasse. Le style est certifié, malade et sans certificat. Le style est approuvé, pédale, t'as mal servi des cartes. Tu joues les gagnants, mais tu la perdras. On a le brelan pendant que t'as la perdasse.